Chapitre 8e, le charmeur de vipères. Le lendemain, vers 10 heures du matin, une jeune femme, que l'on aurait pu prendre pour une femme de chambre, si elle n'avait pas eu l'air si distinguée, débarquait à Fontainebleau par le premier train. Elle alla droit à une voiture de bohémien qui stationnait hors la ville. Là, ses frères reconnurent leur reine. Elle rentra dans la voiture, et quelques instants après, elle en sortait vêtue de haillons de bohémienne, les pieds dans de mauvais souliers. Elle se rendit ainsi accoutrée chez un vieillard très connu, le père Arruche, dont 100 fois les peintres de Marlotte et Barbizon ont reproduit la tête caractéristique. Cet homme appartenait à la grande tribu des bohémiens. Il avait toutefois pris résidence à Fontainebleau, où il exerçait l'étrange métier de chasseur de vipères. On prétendait qu'il charmait les serpents. Bon an, mal an, Arruche touchait en prime 15 ou 1 800 francs. Personne n'a porté au bureau départemental autant de têtes de vipère que lui. Il courait des bruits sur le père Arruche, bruits sourds. On le craignait. On disait qu'étant bohémien, il avait été chassé de sa tribu pour un crime n'entraînant pas la mort, mais l'exclusion. Le point, du reste, n'avait jamais été éclairci. La comtesse trouva Arruche chez lui, c'est-à-dire dans un galta. C'était un grand vieillard, long, mince, droit comme un peuplier. Il avait 80 ans peut-être, mais il portait avec vigueur le poids des années. La tête était superbe. Qu'on s'imagine le Christ vieilli, la barbe et les cheveux blancs comme neige, et l'on se fera une idée de ce visage patriarcal. Mais l'œil était farouche, l'expression de la physionomie était sombre. Cet homme ne parlait jamais à qui que ce fût, il était presque impossible de lui arracher un mot. Il passa même longtemps pour mort. Il gagnait, nous l'avons dit, plus de 1 500 francs à tuer les vipères. Mais de plus, il était très industrieux et savait trouver les morilles qui se payent 1 franc la livre, les cèpes qui valent souvent 1 franc le kilo et 1000 autres produits de la forêt. Ce devait être un braconnier mérite. Toutefois, les gardes ne l'avaient jamais pris. Il vivait cependant de peu. Que faisait-il de son argent? Personne ne le savait. Lorsque la comtesse entra chez lui, il travaillait. L'ayant longtemps regardé, il la reconnut. « Ma fille, dit-il, se levant devant elle, je salue en toi la première femme de ma tribu qui depuis 30 ans m'a visitée. L'heure de la pitié aura-t-elle enfin sonné pour le vieil Arruche ?»« Peut-être, dit la comtesse. Il paraît que la tribu a nommé un roi. J'ai vu trace de tout cela dans la forêt, dit le vieillard d'un air triste. Le roi peut gracier un frère coupable et lui permettre de rentrer dans sa tribu. M'apportes-tu l'espoir dans les pans de ta tunique, Laura ?»« Peut-être. « Dit-elle, je suis envoyée par la reine. »« Ah, c'est une reine, qui est-elle ? Tu le sauras plus tard, réponds-moi auparavant, j'ai à te questionner de sa part. »« Parle, ma fille, parle, le vieux Arruche t'écoute. »« Y a-t-il, demanda la comtesse, des vipères dont le venin soit foudroyant ?»« En 20 minutes, dit Arruche, la morsure de la vipère aspic tue un homme. »« Est-il possible de se procurer un de ces reptiles sur le champ ?»« Oui. »« Si on plaçait une de ces vipères aspic dans un lit ?» S'y tiendrait-elle? Dans le cas où le lit serait légèrement chaud, oui, elle s'y tiendrait. Une personne se couchant dans le lit serait-elle mordue par l'aspic? C'est presque immanquable. La comtesse réfléchit pendant quelques instants, puis elle dit au vieillard. Tu as péché autrefois par la parole. Tes lèvres ont été imprudentes. Si par hasard un jour, les juges te demandaient quelque chose sur ce que nous venons de dire, saurais-tu te taire cette fois? Les yeux d'Arruche lancèrent des étincelles. Il parut en proie à une émotion extraordinaire. « Ma fille, voilà bientôt 30 ans que je vis seule, en silence. Jamais je n'ai tant prononcé de mots en 1 mois qu'aujourd'hui en 1 jour. On peut m'éprouver. Je sens venir la mort peu à peu. Chaque nuit j'ai froid dans mes os. Je voudrais mourir, au milieu de mes enfants et sous le toit de ma voiture. Dis à la reine que je ne révélerai jamais rien de ceci à personne. » Je le jure par l'eau, le feu, le ciel et la terre, à genoux, je la conjure de me rendre à ma tribu, à mes fils, à mes petits-enfants. Songe que cette fois, si jamais tu ouvrais tes lèvres, tu serais jeté au coin d'un bois et à jamais abandonné. Le vieillard leva les bras et murmura avec une angoisse indicible. Oh, si je pouvais parler à la reine, je la convaincrais et elle aurait foi en moi. Laura fut émue. La reine te croit, fit-elle. Elle montra l'anneau de commandement. « Viens avec moi en forêt chercher des aspics et ce soir tu te mettras en route, si tu veux, avec un bon cheval pour chercher ta famille. Elle est à 3 lieues d'ici, vers Nemours. » Aruche tomba à genoux devant le rat et lui baisa les mains en lui disant avec exaltation « Le chien est fidèle, le rat, perle de la tribu. Il le sera moins que moi. La liane est souple, elle obéit au vent qui souffle, à la main qui la tresse, au balancement de l'arbre qui la tient suspendue. Plus souple qu'elle, Aruche sera. Le ver qui rampe dans l'herbe est humble. Il est sans défense sous le pied qui l'écrase. Ainsi, je serai sous ton talon, ma reine, un mot, et je vole où tu veux, un signe, et je meurs pour toi. » Il arrosait de larmes soyeuses les mains qui le délivraient, puis soudain il se leva. « Oh, la belle chasse ! Je veux le rat, qu'on vienne à ma fête de délivrance, toutes les vipères de la forêt, et tes yeux verront un spectacle que nul n'a contemplé. Un peuple innombrable de reptiles va siffler à tes pieds. C'est la dernière fois que je charmerai les serpents, mais je veux les appeler du plus profond du bois. » Et le vieillard fit avec fièvre ses préparatifs. Le rat regardait curieusement ses apprêts. Il se munit d'une chaudière de cuivre à fond plus vaste que le sommet. On voyait que c'était un engin de chasse, car il était entretenu avec une propreté extrême. Le cuivre jaune resplendissait au dehors et au dedans. On eût dit de l'or. Il chargea cet ustensile sur ses épaules. « Voilà ma première arme, » dit-il. « Quelle mystérieuse cuisine vas-tu faire ?» demanda la comtesse, surprise par l'étrangeté de cet engin. « Une cuisine infernale, » répondit Aruche. « En somme, que vas-tu faire ?» Il secoua la tête. « Le rat. Les vieux chasseurs n'aiment pas être questionnés. À quoi bon te décrire longuement ce que tu vas boire dans quelques heures ?» Il se munit d'une fourche de fer emmanchée dans une gaule de frêne. C'était un instrument d'une forme toute spéciale, et la comtesse devina facilement qu'il était destiné à ficher ses deux branches en terre pour piquer les reptiles au point où les deux fourches se rencontraient faisant ressort. Aruche prit encore une grande baguette de conerier flexible et mince. Il était alerte, joyeux, plein d'ardeur. Il coupa l'air de sa baguette et décrivit des cercles dans l'air. « Voici la terreur des vipères, » dit-il, « c'est mon sceptre. Quand tu me verras commander aux reptiles, tu comprendras, le rat, que moi aussi, je suis roi, le roi des chasseurs de vipères. » La comtesse était vivement intriguée, mais elle éprouva une curiosité plus vive encore quand le vieillard reprit, suspendu au mur, un sac de cuir percé de petits trous. « Qu'est-ce ceci ? » demanda-t-elle. « Bien des chasseurs, » dit-il, « donneraient un doigt pour le savoir. » « Ceci, c'est le grand secret des maîtres de mon art. C'est ce que dans toute l'Europe, 100 chasseurs de vipères à peine connaissent. Ici même, à Fontainebleau, il n'y a que 2 hommes qui connaissent ce secret. Encore sont-ils moins habiles que moi, pour choisir l'heure, le jour et la saison. » Il mit le sac à son cou. « Venez, mes filles, » disait-il, « venez, mes mignonnes. Aujourd'hui encore, vous allez chanter pour moi le chant des amours. Demain, vous serez libres. » « À qui parles-tu donc ainsi ? » demanda la comtesse, qui s'impatientait du peu d'explications que lui donnait le vieillard Aruche impénétrable, et ne répondant que par des phrases absurdes et des réticences. « Je parle à mes compagnons, dit-il. Je parle à mes vestales, à mes vierges stériles, jusqu'ici à cause de moi. Demain, je leur donnerai la liberté de leurs amours. » Il se hâta de prendre un autre sac de toile, beaucoup plus grand, celui-ci était maculé de sang. « Là-dedans, nous rapporterons les têtes de plus de 100 vipères. » Il secoua le sac d'un air triomphant, puis il se munit de plusieurs bottes trouées de petites ouvertures. « Voilà pour les prises vivantes, » fit-il. Il secoua le sac d'un air triomphant, puis il se munit de plusieurs boîtes trouées de petites serrures. « Voilà, » fit-il, « pour les prises vivantes. » Se tournant ensuite vers Laura, il dit joyeusement, « Partons, belle chasse, bonne chasse, l'air et le ciel sont pour nous. » Ils traversèrent Fontainebleau, et sur leur passage, on interpellait le vieux chasseur. « Père Aruche, vous allez au vipère ?»« Oui, chrétien, oui, je vais en chasse. »« Père Aruche, qui donc est avec vous ?»« Ma fille, chrétien, c'est ma fille. » Et il passait. On se dit dans Fontainebleau, « Le père Aruche a retrouvé sa fille. » Quelques officiers de la garnison ajoutèrent, « Crânement belle, la petite. Elle en vaudrait la peine, étant débarbouillée. » « Oui, messieurs, oui, Laura en valait la peine. »